Cadencée, carence, les vagues désolées au loin agonisent sur le sable. La ville 10 chante le silence d'abîme. Les légendes en contrebande s'échangent dans les bordels et les nabots sans ailes forniquent. Il était si doux le temps des olives, sous les branches des pins, à regarder les lutins du soleil fléchir l'océan. Et je t'ai aimé, aimé ma poésie. Ma vie n'était pas assez. J'ai hypothéqué l'éternel pour 3 sous de beauté et pour la femme aimée. Ne comptez plus sur les muses salies, chantez à fleur de chair. Là-bas, un amant croit que le crime paie. Il croit au blasphème, des squames et du brame, à la chasse aux voyelles, au braquage de l'esprit, à des forts intérieurs vides, au suicide. Ronger le frein, le poing, qu'attendre encore de la vie? Le voleur d'âme est mort, paix à son sort. Et jusqu'au souffle, dans l'intime, il cherche l'ultime, le crime parfait. L'établi de la forme, la bac inclinée des pensées, on m'a tout donné, mon cœur, mon cœur. Où as-tu traîné? Dans les 1000 feuilles d'ombre, sous les lauriers, avec les gibets bleus de l'été tropical, dans ma ville natale, qui n'existe pas, qui n'existe pas, qui n'existe pas.